الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا اليوم بمشيئة الله سوف نبدأ سلسلة من الدروس المفيدة المتعلقة بالعقيدة أي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، ومن أجمل ما يبدأ الطالب في العلم بمبادئ العلوم، فيأخذ من كل فن مبادئها، ألا وفي فن العقيدة من أحسن ما يبدأ به الشخص كتيبة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. Donc inshallah on va commencer une série de cours particulièrement tournée vers la aqida, c'est-à-dire le dogme ou la croyance. نعم, la croyance que doit avoir chaque musulman. نعم. Et parmi les meilleures des éducations que l'élève en sciences religieuses peut recevoir, le fait de d'apprendre la science en commençant par mabadi al-ulum, par comment on pourrait traduire mabadi al-ulum, les bases, voilà, par les bases de chaque science. En ce qui concerne la science de l'aqida, parmi les livres qui englobent le plus les bases justement de l'aqida, ce sont les livres ou les ouvrages qu'a écrit Muhammad ibn Abdul Wahhab. فَإِنَّهَا مِنْ أَنْفَعْ مَا كُتِبَ فِي بَابِ الْعَقِيدَةِ. Et ces ouvrages font partie des ouvrages les plus utiles en ce qui concerne la croyance, l'aqida. نعم. طبعا في هذا الدرس سوف أحاول يعني أكثر من العربية وأقلل من الفرنسية. يعني donc dans ce cours inshallah je vais faire en sorte de plus parler en arabe qu'en français. وَهَذَا لِغَرَدٍ مُهِمٍ وَهُوَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا بُدَّ أَنْ يُكْثِرْ مِنْ إِسْتِمَاعِ لغة العربية حتى يتحسن هو في نطقه لها وكذلك في فهمها. Donc le muslim, il se doit impérativement de multiplier l'écoute de la langue arabe afin que cela lui permette de mieux la comprendre et aussi de mieux la parler. وَلَيْسَ مِنَ الْفَائِدَةِ أَن نُتَرْجِمْ كُلُّ مَا نَقُولُ وَلَيْسَ مِنَ الْفَائِدَةِ خُصُوصًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن نُتَرْجِمْ كُلُّ مَا نَقُولُ. Et ça ne fait pas partie, ou du moins, on dira que le profit est moindre lorsqu'on traduit tout ce que l'on dit. لِأَنَّ الْشَخْصِ إِذَا مَا عَرِفَ وَمَا فَهِمَ شَيْئًا فَسَيَبْحَثْ وَسَيَسْأَلْ وَبِطَرِيقَ السُّؤَالِ وَالْبَحْثِ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْكَلِمَا الَّتِي كَانَ يَبْحَثُ عَنْهَا. Et lorsque la personne Elle va chercher, par exemple, elle n'a pas compris une parole ou un mot, elle va chercher d'elle-même. Ou elle va demander, sa demande là, ça va, ou sa recherche, ça va faire en sorte que le mot là, il reste plus dans sa tête. Badal an utarjim kulli. Au lieu que on lui traduit tout ce qui est dit, et que يعني ياخذ هذا عن سهولة ربما يخرج ما سمع بسهولة. نعم، فهذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني الذي يحضر الدرس لا بد له من الكتاب. donc celui qui assiste au cours il faut absolument que il ait le livre. وأنا قد أرسلته لأخينا بهم فأظن الذي يريد الكتاب على يعني على الأقل في جواله ينظر مع أخينا أبي هند. تمام؟ donc celui qui veut le livre il a qu'à il a qu'à voir avec Abu Hind. Inch'Allah il lui envoie sur son téléphone. لكن لا بد من الكتاب. فهذه كذلك من طرق وأساليب العلم. Il fait partie aussi des manières de l'apprentissage de la science que l'élève il assiste au cours avec son livre, si possible une feuille et un stylo. نعم. ويعتبر ذلك سلاح الطالب. Et ceux-ci font partie des armes du طالب العلم. Une feuille et un stylo. ونزيد الكتاب. نعم. Donc هذا الشرح. Donc, يعني كما قلت لكم سوف ندخل في فن العقيدة بمبادئها، والعقيدة تشمل التوحيد. lorsqu'on dit le mot عقيدة هذا يشمل التوحيد، فعلم التوحيد كلها أو كله يدخل في العقيدة. نعم، إذ العقيدة هو أو العقيدة هي مبني على حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قالوا العلماء هذه الستة الأمور هي يعني أساس وأصول العقيدة. donc les six choses qui ont été évoquées dans le hadith de Jibril lorsque le prophète sallam lorsqu'il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam qu'est-ce que la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la foi n'est autre que la croyance en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, ainsi qu'au jour du jugement dernier et au décret, c'est-à-dire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Les savants ils ont dit que ces six choses-là font partie des bases de la foi. فالإيمان أكثر من هذه الأشياء لكن هذه أصوله. هذه أصول الإيمان. donc la foi elle englobe, c'est plus vaste encore que ces six choses là. لكن cependant ces six choses là sont les bases de la foi. نعم. فالتوحيد يدخل في أي ركن من هذه الأركان. التوحيد يرون dans lequel de ces six points. القدر. القدر. لأن القدر ميزان التوحيد. نعم. أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله. التوحيد متعلق بالله عز وجل قبل كل شيء. وبلا شك أن التوحيد له دخول في جميع الأبواب في جميع الأصول، لكن يعني دخوله أوليا في كون الإيمان بالله. نعم، فالتوحيد يدخل في العقيدة. نعم. و ومن أجمل ما ألف أو ما ألفه الشيخ المجاهد المجدد محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة المسمى بنواقض الإسلام. Donc fait partie des plus beaux ouvrages, des plus beaux écrits de Mohammed ibn Abdul Wahhab, surtout dans le chapitre concernant la foi, cette risala qu'on va étudier, qui est la risala qui s'appelle Nawaqid al-Islam, Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les abrogations de l'islam. Naam. هذا فهذا شرح مختصر مفيد بإذن الله على كتاب نواقض الإسلام لشيخ محمد بن عبد الوهاب. Donc ceci est un شرح مختصر. C'est une explication du livre de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. مختصر. C'est résumé. مختصر, ça veut dire résumé. لكن, Inch'Allah, ça ne veut pas dire qu'elle est résumée, qu'il n'y a pas de fawaid. C'est résumé, mais Inch'Allah, ستجدون فوائدا فوائد كثيرة. نعم بإذن الله عز وجل. وهو كتاب ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعتني به حفظا وتدريسا ومراجعة. Donc c'est un livre qu'il est impératif à chaque muslim et à chaque muslima d'avoir une attention particulière pour ce livre, tant dans son apprentissage, dans sa mémorisation, que dans son étude et que dans sa révision. لِيُدْرِكَ بِذَلِكَ مَا يُخْرِجُ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ, afin que la personne elle puisse elle puisse concevoir les choses qui le font sortir de yani, qui le font quitter, c'est-à-dire la sphère de l'islam vers la mécréance et la déviation. Iyadan billah. Fa hadha al-kitab lahu ahammiya. Yani mawdu' hadha al-kitab lahu ahammiya. Donc le sujet de ce livre, c'est-à-dire Nawaqid al-Islam, il a beaucoup d'importance. Awalan li'anna Nawaqid al-Islam a'zamu ad-dunub 'ala al-Islam. Tout d'abord parce que Nawaqid al-Islam c'est le plus grand péché à la lettre là. Le fait de commettre une chose qui annule l'islam, ça c'est le plus grand péché à la lettre là. Naam. فَمَنْ اِرْتَكَبَ نَاقِضًا مِنْ تِلْكَ النَّوَاقِضِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ مِلَّةِ مِنَ الْمِلَّةِ. Donc celui qui commet une abrogation parmi ces abrogations que nous allons voir, alors il est certes sorti de la religion. فَلَا يَبْقَى إِمَانٌ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مَعَ وُجُودِ أَحَدِ هَذِهِ النَّوَاقِدِ. L'iman, la foi, elle ne reste pas en présence de une de ces abrogations. نعم. فَهِيَ تُحْبِطُ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ. Donc, cette abrogation, elle annule toutes les bonnes œuvres. Elle les annule. Et tous les actes d'obéissance, cette abrogation les annule. إِضَافَةً إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا. Et ceci, sans compter que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne pas à la personne qui meurt en ayant, c'est-à-dire sans s'être repenti de cette abrogation. Non. بل صاحبها مخلد في نار جهنم. Mais son auteur, au contraire, son auteur restera une éternité dans le feu de l'enfer. لقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد أو من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, comme c'est dans surat Ali Imran, il dit: certes, ceux qui ont mécru et qui sont morts sur la mécréance, ceux-là sont véritablement les mécréants, et on n'acceptera pas d'eux le poids de la terre en or. C'est-à-dire, s'ils venaient avec le poids de la terre entière en or, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas cela d'eux. C'est-à-dire, ils viennent avec le poids de la terre en or pour s'affranchir du châtiment d'Allah. Et ensuite Allah il dit, ceux-là seront ceux qui auront un châtiment douloureux et qui n'auront pas de secoureur. Donc ça c'est la première des raisons pourquoi yani, il est important de voir ce genre de livre et ce genre de sujet. ثانياً لعظام خطورة هذه النواقض فإنه يتعين علينا العلم بها. Et aussi parce que cette science, c'est-à-dire la science de la science des nawaq et de l'islam, de ce qui abroge l'islam, c'est d'une grande importance, qui devient une chose obligatoire à nous de connaître. ومعرفة أنواعها فينبغي تبيين سبيل الكافرين مخافة الوقوع فيها. Et on se doit de connaître le chemin qu'ont emprunté les mécréants. Naam. Et ceci pourquoi? C'est pas pour les suivre, mais c'est pour se préserver de tomber dans ce dans quoi ils sont tombés. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabila al-mujrimin. Et c'est pourquoi nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana fil Qur'an الطريقين بين طريق الهدى وطريق الضلال طريق البر وطريق الفجور. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué formellement dans son kitab les deux chemins, les deux voies à emprunter, c'est-à-dire les deux voies qui sont empruntées par les gens, soit la voie de la droiture et de la piété, ou soit la voie de la perversité et de la désobéissance. نعم. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد في كتابه الفوائد. Donc l'imam ibn al-Qayyim il a dit dans son livre Al-Fawa'id, la page 101, de la page 101, entre la page 101 et 102. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة. Donc l'imam ibn al-Qayyim il dit dans quel livre Yazid nahnu fi? L'imam ibn al-Qayyim yaqul fi ayy kitab? Fi ayy kitab l'imam nahnu fi kalam l'imam ibn al-Qayyim. Fi ayy kitab? Eh kitab al-Aqida, lakin fi ayy kitab? Man kan? Abd al-Malik. Fi ayy kitab? La al-an nahnu nanqul kalaman. Là, on rapporte une parole de l'imam ibn al-Qayyim. Fiyé kitab. Madal al-Salikin? Là. Al-Fawa'id. Kitab al-Fawa'id. Naam. Taïb. Donc, il dit dans Kitab al-Fawa'id, Wallahu qad bayyana في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué le chemin des croyants d'une manière détaillée. وفعلا يا إخوة لو تنظروا إلى سورة هود كيف الله سبحانه وتعالى ذكر يعني قصة نوح وهود وصالح، وكذلك في الأعراف، وكذلك في جميع القرآن. وقال تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا. من قبل هذا إيش؟ من قبل هذا إيش؟ القرآن. ما كنت تعلم يا محمد قبل أن نوحي إليك القرآن، ما كنت تعلم أنت ولا قومك. نعم. ثم بعد ذلك إيش قال؟ فاصبر. بعد أن أخبره بما جرى لقوم نوح ولقوم هود أو غيرهم من الأنبياء، قال له فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكل هذه من تبيين الله سبيل المؤمنين. طيب، دونك الله سبحانه وتعالى إلى formellement expliqué le chemin des croyants. وَسَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ مُفَصَّلَةً. Et كَذَلِكَ. Il a détaillé et expliqué le chemin des criminels. وَعَاقِبَتَ هَؤُلَاءِ مُفَصَّلَةً. Et il a aussi expliqué la fin de ceux-là, de ces gens-là, c'est-à-dire les gens, les mu'minines. وَعَاقِبَتُ هَؤُلَاءِ. Et aussi la fin des gens, c'est-à-dire criminels. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a expliqué les deux chemins. قال ثم قال الإمام ابن القيم فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت. دوك Les vrais savants, ou les gens qui ont la parfaite connaissance d'Allah Azzawajal, ou la grande connaissance d'Allah, et de son livre, c'est-à-dire le Coran, et de sa religion, ils ont certes connu le chemin qu'ont emprunté les croyants, et ceci d'une manière détaillée, et aussi ils connaissent bien le chemin des criminels, d'une manière détaillée. نعم. طيب إلى أن قال فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس. Donc ces gens-là, ces savants, ils sont les plus savants de la création. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu les deux chemins. Ils savent c'est quoi le halal et ils connaissent aussi c'est quoi le haram. Ils savent c'est quoi l'islam et ils savent c'est quoi aussi le kufr. نعم. فهم أنفع الناس أنفع الناس وأنصحهم لهم. Et ce sont ceux qui font le plus de conseils ou qui sont les meilleurs conseillers pour les gens. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. Et c'est par rapport à cela que les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont barizou, يعني ils ont, comment dire, ils ont triomphé sur toute personne qui vont venir après eux. C'est-à-dire, plus personne pourra les rattraper, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. فَإِنَّهُمْ نَشَأُوا فِي سَبِيلِ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans le chemin de l'égarement. فِي الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ. وَيَا إِخْوَا هَذِي فَائِدَةً جَلِيلَةً جَلِيلَةً. Celui qui est en terre de kufr, wa yuslim, wa yastaqim, fa istiqamatuh, rubbama takunu aqwa mimman huwa fi balad al-islam, wa ma qad sami'a 'an al-kufr wa shirk shay'an. Donc celui qui est en terre de mécréance, qui a connu la mécréance et le kufr, et qui après prend le droit chemin, il se peut que son islam soit plus fort, soit plus fort que l'islam de quelqu'un qui se trouve dans un pays musulman, mais qui n'a jamais entendu parler du kufr ou du shirk. فهؤلاء الصحابة رسول الله. Comment ils ont atteint ce degré là? Parce qu'ils ont connu le shirk. بتفصيل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذكر أنه قد دفن بنتا له وهي حي. عمر بن الخطاب dans certains hadiths, il avait l'habitude de pleurer sur des péchés qu'il a fait dans sa jahiliya, wa minha qu'il a enterré une de ses filles vivante. هذه جاهلية. Ça c'était la vraie jahiliya, يعني محض. فلما عرفوا الإسلام, ils ont connu, lorsqu'ils ont connu l'islam de par la cause du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont connu alors les deux chemins. Et c'était plus facile pour eux de suivre le chemin de la droiture et de ne plus jamais revenir dans le chemin de l'égarement. Et c'est pourquoi il faut absolument savoir ma huwa al-kufr, c'est quoi le kufr, ma huwa al-shirk, ma huwa al-bid'a, ma huwa al-dalal, ma huwa al-fisq. Ces choses-là, il faut absolument les connaître afin d'éviter de tomber dedans. نعم. طيب. فقال فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك وعرفوها مفصلة. Donc ils ont grandi dans le chemin du kufr et du shirk et de l'égarement, et ils ont connu ce chemin avec détail. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمة الشديدة إلى نور التام. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il les a fait sortir de leurs ténèbres, des ténèbres dans lesquelles ils étaient plongés, vers la lumière parfaite. Wa min ash-shirk ila at-tawhid. Et il les a fait sortir du shirk vers le tawhid. Fa'arafu miqdar ma nalahu, ma nalahu, wa miqdar ma kanu fi. Ils ont connu de par cela la valeur de ce qu'ils ont de l'étape qu'ils ont atteint, du chemin qu'ils ont franchi, et ils ont connu aussi la valeur de ce dans quoi ils étaient minqab. Ils ont connu aussi la valeur de ce dans quoi ils étaient minqab. نعم. ولهذا تجد أن الذي المؤمن الذي يستقيم في دول الكفر عنده اندفاع للخروج من هذه البلدان بخلاف من كان في بعض الدول المسلمة يرى البلد الكفر كأنها جنة وبستان وروعة. Et c'est pourquoi tu vas trouver des gens qui ont connu l'istiqama dans les pays de kufr, tu vas les trouver la plupart du temps qu'ils ont une envie de sortir de ces pays-là et de se retrouver en terre d'islam. Tandis que ceux qui sont en terre d'islam, il y a un bon nombre d'entre eux, tu les vois qu'ils ont envie, ils ont un regard tourné vers les pays de mécréance. نعم. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu يعني الجاهلية العميمة, la جاهلية profonde. Le vrai char. نعم. Pour bon nombre d'entre eux. Bien que في بلدان المسلمين قد تجد جاهلية أشد. Dans certaines parties de certains pays musulmans, tu peux trouver aussi la جاهلية pure. نعم. طيب. قال فإن الضد يظهر حسنه الضد وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. Et le contraire d'une chose prouve ماذا la beauté يعني par le contraire tu vas voir la beauté de la chose contraire. مثلا quand tu vois le shirk, tu vas voir la beauté de quoi? Du tawhid. Naam. C'est pourquoi il est important, et comme il dit juste après, وَإِنَّمَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَا بِالْأَضْدَادِهَا. Et les choses deviennent claires lorsque tu analyses leurs oppositions, ou les contraires, leurs contraires. Naam. فَاللَّبْسِ إِنَّمَا يَقَعْ إِذَا ضَعُفَ الْعِلْمِ بِالسَّبِيلَيْنِ وَأَحَدُهُمَا. Et la confusion, quand est-ce qu'elle arrive, la confusion entre ce qui est halal ou ce qui est haram, ou ce qui est du kufr ou ce qui est du din, lorsque la science de ces deux voies elle est affaiblie. نعم. طيب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. Et certes, la force de l'islam, ou le nœud, yani, l'attachement de l'islam, par nœud après nœud, إذا نشأ الإسلام, إذا نشأ في الإسلام, من لا يعرف الجاهلية. وهذا أثر عظيم لعمر بن الخطاب. Il dit cette force, yani, l'islam va partir nœud après nœud, si grandissent dans l'islam, des gens qui n'ont jamais connu Al-Jahiliya. Des gens qui n'ont jamais connu l'ignorance. Naam. Walida qala Hudayfa ibn al-Yaman, Ali radiallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ani al-khayr, wa kuntu as'aluhu ani al-shar, makhafatan an yudrikani. C'est pourquoi Hudayfa ibn al-Yaman a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, certes les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Et moi, je lui demandais au sujet du mal, de peur que je ne tombe dedans. Naam, de peur que je ne tombe dedans. Enfin, on voit aussi de par cela la grande compréhension qu'avait ce compagnon, qui était surnommé le compagnon des secrets du prophète, alayhi salatu wa salam. Sir Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa qala Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, في أهمية هذا الموضوع كما في درر السنية في الأجوبة النجدية. Et donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en parlant de l'importance de ce sujet, il a dit dans son livre, oh, c'est pas son livre, Afwan, c'est un livre où sont regroupées la plupart des paroles des ulama du Najd. Ulema du Najd, c'est-à-dire les ulema d'Arabie Saoudite, la région de Riyad, plus particulièrement. Naam. Du temps de l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a Qarib Asrina, jusqu'à proche de notre époque. Naam. Donc dans ce livre, se trouve une parole de l'imam ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire dans le 8e tome, et à la page 118, il dit « اعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء بها لألا يقع في شيء منها. » Sache que ces points, c'est-à-dire les points concernant l'abrogation de l'islam, font partie des choses les plus impératives aux croyants de connaître et de faire attention, afin de ne pas tomber dans une de ces choses-là. حتى يعني لئلا يقع في شيء منها وهو لا يشعر. Et afin qu'il ne tombe pas dans une de ces choses sans qu'il ne s'en rende compte. وفعلا يا اخوة كم من نواقض سيمر بنا وربما يعني الشخص اذا ما يعرفها يقع في ماذا يقع فيها ويخرج من الاسلام بدون ان يشعر. مثلا الاستهزاء. Le fait de se moquer de quelque chose de la religion. Yani, c'est des choses, yani, ma nazon annana ma'soumin. Faut pas penser qu'on est préservé de tomber là-dedans. Tu peux te moquer de ton frère, par exemple, par rapport à son kamis. Son kamis, il remonte jusqu'à là. Wa anta mathalan tadhhak. Wa hiya sunna. Arafta? Idha arafta annahu sunna. Wa anna al-akh yusib. أو يحاول يتقرب إلى الله بهذا الفعل وأنت تضحك يخشى عليك أن تطعن في سنة من السنن وهذا قد يكون كفرا فهمتم؟ أو تضحك في لحية الأخ تتمك دي لابار دان خير ولا شيء من ذلك sans le savoir يعني يسبب تي sors de l'islam. Non. Bien sûr, on va voir les détails dans ces masaïl. C'est pas à la lettre, ça veut pas dire que c'est à prendre d'une manière globale, une fois que tu rigoles sur ton frère par rapport à sa barbe ou là. Non, on va voir les détails. Lakin, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre que des fois, tu peux tu peux être insouciant sur une chose, et en fait cette chose-là, elle te fait sortir de l'islam. Donc c'est important de voir ce genre de livre. لِيَتَبَيَّنَ لَهُ الْإِسْلَامُ وَالْكُفْرُ. Donc sur l'islam, il continue en disant لِيَتَبَيَّنَ لَهُ الْإِسْلَامُ وَالْكُفْرُ, afin que lui apparaisse clairement qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce que la mécréance. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأَ مِنَ الصَّوَابِ ويكون على بصيرة في دين الله ولا يختار. طيب. Et ensuite, de par cela, il sera sur une clairvoyance sur la religion d'Allah Azza wa Jal. ولا يختار بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرون عددا. Et ça aussi, c'est une قاعدة. Là, il dit, et la personne ne doit pas être trompée par les gens de l'ignorance. Même si tu les vois qui sont, tu vois qu'ils sont plus nombreux. Tu vas dire, oh, fil Maghreb, fil Jazair, ou fil Misr, ou fil Libye, ou fil Mali, ou fil Sénégal, ou. كلهم مثلا موافقون على يعني مسألة المولد. مثلا. Un exemple. Le fait de fêter l'anniversaire du prophète صلى الله عليه وسلم. Tu vas voir ça dans combien de buldan? Dans combien de pays? Le Yémen. Illa Saoudia. إلا السعودية ما في نهائيا لكن كم الجزائر الجزائري ماروك مالي سنغال vous avez trouvé cette bid'a dans n'importe quel pays. Mais ça veut pas dire, parce que la plupart des gens ils l'ont pris comme religion, que c'est vraiment ça fait partie de la religion. Non, donc l'insan il doit pas être trompé par le grand nombre. كما قال شيخ الإسلام هنا فهم الأقلون عند الله وعند رسوله والمؤمنين قدرا. Parce que cela, en vérité, même s'ils sont nombreux en termes de nombre, même s'ils sont beaucoup en termes de nombre, ils sont peu nombreux en termes de valeur. Ils sont peu nombreux chez Allah en termes de valeur. Donc troisièmement, parmi les choses qui poussent à voir ce genre de livre, أن الواقع في بلاد المسلمين عموما يدل على وجود هذه النواقض في وسط المجتمع في وسط المجتمع وأنها قد عمت وطمت الكثير من تلك الديار. Et aussi parmi les choses qui est important pour lesquelles il est important de voir ce genre de livre, c'est que ces nawaqid, ces abrogations de l'islam, en vérité vous allez les trouver dans beaucoup de pays islamiques, et vous allez voir qu'elles ont englobé le pays. C'est-à-dire, tu vas les voir dans chaque coin du pays. Non. رابعاً أن موقف الكثير من المسلمين إما طيب أمام أما الموقف من طيب أما موقف الكثير من المسلمين أمام تلك النواقض لا يخلو من غلو أو جفا. Et la quatrième chose pour laquelle il est important de voir ce genre de cours, c'est que la plupart des musulmans face à ces nawaqid, ils sont soit entre l'exagération et soit entre la négligence. نعم. فهناك من غلا وتشدد أمام تلك النواقض فأدخل في النواقض ما ليس منها. Donc il y a des sectes qui ont endurci et qui ont exagéré dans les nawaqid, dans les abrogations de l'islam, jusqu'à ce qu'ils ont fait rentrer dans ce qui abroge l'islam ce qui ne l'abroge pas. Ma foi, parmi eux al-khawarij. نعم الخوارج. وفي هذا الدرس يعني لنا وقفات كثيرة معهم. إن شاء الله dans ce درس on va les évoquer souvent. بعون الله. طيب. وفي المقابل نجد أقواما قد تساهلوا في أمر هذه النواقض فجعلوها مجرد محرمات لا تخرج من الإسلام من الملة. Et en face de cela, c'est-à-dire en face de ces gens qui ont exagéré, tu vas trouver des gens qui ont négligé tamam. Ils disent ça fait pas sortir l'islam. فلان يسب الله ويسب الرسول ويسب أمهات المؤمنين، هذا يعني حرام لكن ما يخرج من الإسلام. هذا كلام عجيب. Donc il y en a d'autres qui vont, ils vont négliger totalement. Ils vont dire ça c'est des péchés, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Comme celui qui insulte Allah, mathalan. Il insulte Allah, tu vas lui dire, ouais, regarde, il a insulté Allah. Il dit, ouais, mais bon, c'est un péché, mais il ne sort pas de l'islam. Hada ghalat. طيب. نعم. فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فقرروا هذه المسألة بعلم وعدل وتوسطوا بين أهل الغلو والإرجاء. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé les gens de la sunna dans cette mas'ala, mas'ala de takfir, il les a guidés avec science, na'am, avec science et justice, jusqu'à ils ont trouvé la voie du juste milieu entre l'exagération et entre la négligence. Et cinquième point pour lequel il est bien de voir ce genre de livre, أن أول نزاع أن أول نزاع حدث في أمة في الأمة هو النزاع في التكفير، فكانت أول بدعة أو أول بدعة حدثت في الأمة بدعة الخوارج. Et aussi parce que c'est la plus ancienne des innovations. Yani, ce dars-là, ce cours-là, il a un lien avec la plus ancienne des innovations, qui est la bid'a al-khawarij. Bid'a al-khawarij, inshallah, si Allah il facilite qu'on fasse ce dars-là avec les autres qui suivent, vous allez connaître, yani, avec détail, les bases de cette secte. نعم. وفي الحقيقة لا تخلو فرقة ولا تخلو فرقة من الفرق سوى أهل السنة من هذا الفكر البطال. Et le fikr, la pensée, la base de la pensée des khawarij, c'est-à-dire qui est le khuruj, qui est le fait de sortir contre les gouverneurs, c'est une croyance que la plupart, si ce n'est pas la quasi-totalité des sectes, ont ou possèdent. Si ce n'est أهل السنة والجماعة. نعم. فإن شاء الله سيكون هذا الدرس درس ممتع وسوف ندخل في الكتاب يومي غدا. تمام. والله أعلم. سبحانه.